Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Juréthique Playlist, le podcast des questions éthiques et juridiques sur la diffusion des données de la recherche dans le monde académique. Réalisé auprès d'expertes et d'experts issus de diverses disciplines, ces podcasts sous forme d'entretien mettent en lumière des questionnements éthiques et juridiques en relation avec la dissémination des données. Toutes et tous partagent leurs analyses et observations de situations vécues dans le cadre de leurs travaux scientifiques ou de leur expérience professionnelle. Bonne écoute! Je suis Véronique Ginouvès, archiviste à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence, et je m'intéresse à la diffusion des données de la recherche. J'ai rencontré Isabelle Barberis alors que nous étions toutes deux invitées à l'Université fédérale de Belo Horizonte, capitale de l'État du Minas Gerais au Brésil, en novembre 2023. Sa recherche m'a inspiré le premier épisode de notre série de podcasts Juréthique Playlist. Nous l'avons intitulé « Histoire de censure ». Isabelle Barberis est universitaire, essayiste et journaliste, maîtresse de conférences en lettres et arts, habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Cité. Son travail entre esthétique et philosophie politique s'intéresse aux imaginaires démocratiques, au théâtre et à la nature épistémique des représentations. Ses recherches se concentrent sur les enjeux identitaires et sur les phénomènes de crise de la mimésis. Au moment de l'entretien, Isabelle Barberis terminait son livre paru en 2024 sous le titre « Censure silencieuse » aux presses universitaires de France. L'ouvrage traite de l'évolution des phénomènes de censure, de la liberté de création et de la censure artistique. Pour elle, ce sujet est assez paradigmatique, car il peut aider à réfléchir sur l'évolution de la diffusion des savoirs dans les sociétés démocratiques. Elle nous parle des nouvelles censures dans les sociétés libérales, de la fonction communautaire de la censure, des nouvelles autorités, politiques, médiatiques, des experts, des artistes, de l'opinion ou des influenceurs, avant d'évoquer la question de la relecture chez les éditeurs, y compris pour les publications universitaires. À travers de nombreux exemples, Isabelle Barberis montrera la place que tiennent les arguments éthiques par rapport aux règles juridiques dans les phénomènes de censure. Est-ce que vous pourriez revenir sur les événements ou les adversités qui peuvent empêcher ou limiter la diffusion d'un savoir ? Pour commencer, ce qu'il faut essayer de poser de manière très très large, c'est que dans le champ qui est vraiment maintenant un champ en sciences humaines, l'analyse des nouvelles censures, ce qu'on appelle « new censorships », et c'est un champ qui est partagé par des chercheurs en esthétique, en art, en politique culturelle, mais d'abord ce sont des juristes qui s'y sont intéressés. Et ce champ s'est développé suite dans les sociétés, on va dire, libérales, non pas à la disparition, mais à la transformation et tout de même à l'atténuation de la censure d'État sous son ancienne version, c'est-à-dire verticale, autoritaire, voire policière, et intervenant en général a priori, c'est-à-dire avant la diffusion des contenus qui peuvent être des contenus idéologiques, des contenus médiatiques, des contenus artistiques aussi. Donc cette quasi-disparition dans les sociétés libérales, elle date environ des années 2000. Et donc ces chercheurs-là, dans le sillage de Bourdieu et de Foucault notamment, qui sont les premiers à avoir vraiment réfléchi à la transformation des mécanismes de censure, se sont intéressés donc à une censure, alors que l'on peut appeler invisible, censure structurale, censure normative, censure bureaucratique, censure infra, bon, il y a toute une série de dénominations pour désigner ces mécanismes de censure diffuse, Alors, le problème, bien entendu, d'un tel cadre notionnel, c'est qu'il est extensif et qu'à un moment donné, on perd de vue, évidemment, ce qu'est la censure, puisqu'elle se diffuse partout. Mais, de fait, il y a quand même une transformation des mécanismes de censure qui les rend plus furtifs, on va dire, plus furtifs. Et comment on peut éclairer alors ? Alors comment ? Alors c'est vrai que la question des exemples, on va donner quelques exemples, c'est assez éclairant. Les nouvelles censures sont des censures, on va dire, on peut aussi parler de censures à l'envers, qui émanent souvent de groupements d'intérêts de la société et qui font pression sur l'État. Donc c'est une sorte d'inversion des phénomènes de censure. à bon ou mauvais escient, selon le point de vue que l'on adopte. Par exemple, en France, qui a beaucoup attisé la réflexion sur ces sujets-là, ça a été les appels à la censure concernant des spectacles de Rodrigo Garcia et de Romeo Castellucci, qui étaient en provenance donc, d'organisations d'extrême droite, Civitas, etc. Bon. Il y a eu aussi tout ce qui s'est noué autour de deux spectacles antiracistes, Exhibit B, puis celui d'Ariane Mnouchkine, plus tard Kanata, où là c'était des groupements d'intérêts et des associations décoloniales qui, elles aussi, ont demandé la censure de ces spectacles. Et récemment, on a vu au Palais de Tokyo, donc avec l'exposition de Myriam Kahn, une artiste suisse, une peinture monumentale dénonçant la guerre et représentant un individu, un homme avec le sexe en érection. On a eu des groupements d'intérêts. Alors, ce qui était là tout à fait caractéristique de cette espèce de phénomène de dissémination et de floutage de la censure, c'est-à-dire qu'il y avait des groupements d'intérêts d'extrême gauche féministe qui se sont portés partie civile et d'extrême droite. Au nom de... Voilà, contre la dans les deux cas, c'est la morale. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, l'une des chercheuses qui s'est intéressée à cette question, Laure Murat, je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, mais c'est intéressant tout de même. Elle parle de « good censorship », c'est-à-dire de bonne censure. Et c'est une censure qui s'exerce uniquement au nom de la morale. En fait, qui met essentiellement en avant les arguments éthiques. Sauf que ces arguments éthiques, les sociétés démocratiques ou post-démocratiques ne font plus consensus. Donc souvent, on a affaire, comme dans ce cas, à des phénomènes de censure contre censure, très horizontaux, dans lesquels il devient effectivement difficile d'émettre un jugement moral. Il y a eu aussi l'affaire Bastien Vivès, festival d'Angoulême, donc c'est un dessinateur qui a fait des BD à caractère pornographique. Et là, des associations féministes se sont aussi portées partie civile pour demander l'interdiction, enfin le fait de ne pas promouvoir cet artiste qui, dans le cadre de ce festival, proposait la partie de son œuvre qui n'a pas de caractère pornographique. Donc, c'est un petit peu... Là, voilà, je brosse à grands traits le paysage des nouvelles censures pour montrer que, en tout cas, la dimension éthique... est très, très, très mise en avant. La censure, c'est toujours revendiqué de la morale, même quand c'était une censure théologique, religieuse, ou quand c'était une censure d'État. L'argument de la morale et de la protection de la société civile a toujours été l'argument premier de la censure, dont l'étymologie vient de l'indo-européen « sim », qui veut dire « maintenir la communauté, maintenir sa cohérence organique et sa cohérence sociale ». Donc la censure, elle a une sorte de fonction de maintien de la mana sociale, c'est-à-dire de la elle a une fonction communautaire. Mais aujourd'hui, voilà, on sait très bien qu'on ne forme plus une communauté unifiée. Et donc la censure aussi devient chaotique dans cette démultiplication à la fois des sources d'autorité. Il y a l'autorité politique, mais il y a l'autorité médiatique, il y a l'autorité des experts. Maintenant, il y a l'autorité des artistes, de l'opinion publique. Il y a l'autorité des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, dans la globalisation, il y a aussi des cultures qui s'affrontent. Et il y a des cultures qui s'affrontent. Et donc la démultiplication des autorités entraîne la démultiplication des sources de censure aussi. Pour revenir à l'objectif de notre projet éditorial, est-ce que dans le cadre de votre HDR ou de vos publications, vous avez été confronté à des questions, soit juridiques, soit éthiques, pour la diffusion de vos manuscrits ? En tant qu'autrice aux presses universitaires de France, je sais, comme tous les auteurs, et certainement comme vous, Véronique, que nos manuscrits sont relus par des juristes. Et donc, il y a un sensitivity reading de la part des cabinets, des services juridiques, des éditeurs. Donc, on fait rentrer la réflexion sur les sensitivity readers, qui est une réflexion complexe. Hein. On le fait rentrer dans le champ des nouvelles censures, par exemple. Et nous avons en France, comme dans la plupart des pays démocratiques, et effectivement des services juridiques qui s'occupent un petit peu de la réécriture et du lissage de nos manuscrits, y compris nous en tant qu'universitaires. Je sais que j'ai déjà été reprise pour des passages vraiment que mon éditeur... Plutôt polémique que la question... Que mon éditeur considérait comme polémique, que moi je trouvais que c'était... voilà, que c'était juste de la critique, non pas de la personne, mais des écrits d'un intellectuel. En l'occurrence, il s'agissait de Geoffroy de Laganerie, je peux tout à fait le dire, mais j'ai retiré ce passage. Bon, après, les exemples ne sont pas essentiels à la réflexion, je ne me suis pas non plus sentie censurée. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, cette dimension-là. Et cela dit, bon, la question du sensitivity reading, elle est encore plus large, que ça. Il y a la réécriture des auteurs morts. Bon, c'est très... C'est très compliqué. En fait, vous ouvrez tout un pan complexe, en fait, hein, de cette diffusion de l'information qui doit prendre en compte... Il y a tout un champ. Il y a tout un champ où ce n'est pas ni blanc ni noir. Ce n'est pas d'un côté les gentils qui sont contre la censure et de l'autre les méchants qui sont pour la censure. En soi, la censure, elle a cette fonction communautaire et elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est vrai que ça dépend aussi des morales, justement, dont elle se réclame, oui, et de vision la société qu'elle défend. Voilà, c'est ça, la vision de la société. Et des méthodes aussi, des méthodes qui sont employées, parce qu'on voit se développer, alors là, il y a des chercheurs nord-américains qui ont réfléchi sur les usages et les méthodes de la censure. Effectivement, par le biais des réseaux sociaux, les censures s'apparentent de plus en plus à ce que, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Lisa Nakamura appelle la « cancellation », c'est-à-dire, c'est une sorte d'ad personam 2.0 ou 3.0 où l'on cherche à annuler les contenus, mais en annulant les personnes, en supprimant les personnes d'abord. Ce qui revient un peu en bannissant les personnes des réseaux sociaux, donc en appelant à leur bannissement. Donc ça, elle a observé ça sur les réseaux sociaux. Cette espèce de frontière de plus en plus ténue entre l'auteur d'un propos et le propos lui-même, c'est aussi, alors là c'est presque un enjeu linguistique et rhétorique des nouvelles censures. C'est la question de la séparation de l'homme et de l'auteur. Faut-il avoir une approche dissociative, associative ou entre les deux ? Dans le champ d'études que vous proposez, cette espèce d'intersection entre le juridique et la morale, je sais que les premiers juristes nord-américains qui se sont interrogés sur les nouvelles censures, ce qu'ils ont détecté, moi, qui m'a le plus frappé, c'est que précisément, elles échappaient au droit. Elles échappent au droit. Parce que, par exemple, elles relèvent d'interdits moraux qui sont de plus en plus bureaucratiques et réglementaires, qui ne sont pas circonscrits par la loi. Donc la loi française, par exemple, avec la loi Pleven et la loi Guesso, il y a un cadre de censure hein, sur les contenus racistes, antisémites, par exemple, révisionnistes, négationnistes. Mais c'est un cadre qui est pédophile, c'est un cadre qui est assez large, mais après chaque université, chaque entreprise peut imposer son propre cadre normatif. Mm-hmm. Chaque ministère aussi peut, un peu par circulaire aussi, imposer un cadre qui ne va pas... Alors, les nouvelles censures sont moins de l'ordre de la répression, de la pénalisation, que de l'ordre de la prescription. Donc c'est en encourageant certains contenus que l'on en invisibilise d'autres. Voilà. Donc relève moins d'une culture de l'interdiction que de la et plus d'une culture de la validation. Mais donc dans un mouvement de science ouverte où on veut justement tout le temps produire et montrer et donner plus accès aux données en même temps qu'à l'article, ça doit poser quand même des questions. Oui, qui sont problématiques. C'est pour ça que je pensais à une thèse aussi où on peut, par exemple, donner des informations qui vont à l'encontre qui sont justement objet de censure. Et donc, pour en parler, il faut bien aussi... Ah, mais tout à fait. C'est ça qui est complexe. Ah, mais alors là, ce que vous soulevez, c'est un des points, à mon sens, les plus pointus, mais les plus intéressants des nouvelles censures. C'est-à-dire, c'est tout simplement la citation et notre sensibilité culturelle à la citation. Moi, je pense qu'anthropologiquement, nous avons... il y a une évolution anthropologique. Nous sommes de moins en moins sensibles au niveau d'énonciation. C'est-à-dire, les réseaux sociaux nous insistent à penser qu'un contenu diffusé est un contenu auquel l'énonciateur ou l'internaute adhère à ce contenu. Et tous les degrés d'énonciation... la citation, la critique et tous les degrés de distance qui font la richesse d'un échange, surtout d'un échange, par exemple, à visée scientifique ou argumentative, etc., ont tendance à s'atrophier. Or, je pense que dans le cadre de la diffusion des savoirs, puisque c'est la problématique que vous soulevez, c'est cette question de la distance de l'énonciateur à l'énoncé, et non seulement de notre capacité à formuler cette distance de manière très très nuancée, parce qu'en fait il y a tout un éventail, mais aussi à la percevoir. Je crois que par exemple les représentations artistiques ont pour vocation de maintenir l'épaisseur de ces degrés-là, hein, de nous rendre sensibles à ces degrés-là. L'art, en tout cas. Et de proposer plusieurs interprétations aussi, donc de... Tout à fait. En fonction de sa réception. Idéalement, ne pas enfermer, en tout cas, le destinataire. Voilà. À mon sens, bon, de ce point de vue-là, on traverse aussi une période un petit peu engoulée d'étranglement, où les spectacles ont tendance un petit peu trop à diriger notre interprétation, à nous enfermer dans, comment dire, il y a une sorte de contrôle herméneutique. Ce que j'appelle un contrôle herméneutique de l'interprétation. Comme vous, j'ai plutôt tendance à défendre, que ce soit d'ailleurs pour la science ou pour les arts, une forme d'interprétation assez libre et non fixiste. Voilà. Non fixiste et peut-être même évolutive en fonction des périodes, puisque c'est bien ce que vous avez dit au départ, cette censure évolue dans la société et ce qu'on lit... Ouais. Va être interprété différemment dans 10 ans et aujourd'hui. Donc Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est un champ où le juridique au sens strict n'intervient plus véritablement. Pourtant, ça aboutit souvent à des interdictions. Je vais donner un exemple qui est un exemple un peu délicat, mais qui pose bien toutes les... je peux en donner quelques-uns peut-être. Bien sûr, oui. Pour... on a eu, l'an dernier, il y a eu beaucoup de cas de nouvelles censures dans le champ des arts, si bien que l'Observatoire de la liberté de création, qui a été créé par une juriste, Agnès Tricouard, est monté au créneau à plusieurs reprises pour alerter sur un climat de détériorisation de la liberté de création en France, qui est un pays où on a culturellement une acception de la liberté pour les artistes plus grande que pour l'individu de droit, voilà. C'est une sorte d'héritage de l'exception culturelle, qui aujourd'hui, sous l'influence un peu du droit anglo-saxon, le droit commun est remis en question, qui se discute. Et donc, par exemple, il y a eu le cas d'un spectacle, c'est une histoire compliquée, je vais essayer de la simplifier, parce qu'il y a plein de rebondissements, donc il s'agit d'un texte de Lorraine Marx, qui est une autrice trans, qui a écrit un texte sur son expérience de transition. Et c'est de la stand-up, une parole poétique qui exprime une forme de colère, de révolte existentielle. Et ce spectacle a été monté par Lorraine Marx et simultanément par une autre metteuse en scène qui s'appelle Léna Pogam et qui en a fait sa propre version avec dans le rôle de Lorraine Marx, une actrice qui était une actrice cis. Une actrice. D'accord. Et donc les polémiques se sont emballées, Lorraine Marx jouant d'ailleurs un rôle un petit peu ambigu, parce que dans un premier temps elle avait donné son accord, elle avait donné ses droits, et puis après voyant que les milieux trans, et surtout transactivistes, se rebellaient contre ce qu'ils considéraient comme étant de l'appropriation culturelle quasiment, se nouant là-dedans des enjeux qui ne sont pas que des enjeux symboliques, mais des enjeux politiques dans le monde des arts, hein, c'est-à-dire effectivement qui a du poids, qui a un réseau de diffusion... finalement, la pièce a fini par être déprogrammée très brutalement par le directeur du théâtre où la pièce devait être créée. Donc, vous voyez, c'est vrai. Donc, nous avons bien affaire à des interdictions, des phénomènes de censure, mais qui ne passent plus du tout directement par le pan juridique. Il y a aussi des phénomènes de pression sur les responsables culturels qui vont aboutir à des interdictions. Donc, je crois que la dernière fois, on discutait de cet exemple dans une petite commune du Nord avec il y avait un projet de théâtre ouvrier partant de l'histoire de la petite ville du Nord-Pas-de-Calais. histoire liée à une usine, et donc les patrons, la famille de patrons historiques de cette usine se faisait brocarder, et il y avait des effigies un petit peu sur le mode carnavalesque qui étaient même trimballées dans les rues, dans la tradition du théâtre de Tréteaux et du théâtre ouvrier, sauf que offense, on est dans le régime de l'offense. Cette fois-ci, c'est la famille bourgeoise qui s'est offusquée de voir que les aïeux étaient okay. malmenés symboliquement. Et finalement, la mairie et la préfecture ont fini par interdire le spectacle. Et là, c'est intéressant, c'est pour raison de trouble à l'ordre public. Ce qui est le plus souvent, finalement, l'argument juridique qui est désormais le plus utilisé. Parce que les responsables ne veulent pas passer pour des censeurs. Être censeur, désormais, c'est infamant. Donc tout le monde se renvoie la patate chaude du censeur. Et l'accusation même de censure peut devenir un argument d'intimidation, aboutissant lui-même à des phénomènes de censure. C'est-à-dire en accusant tel responsable public, attention, là vous nous censurez, c'est un moyen de faire pression sur l'accusation à la censure, devient lui-même presque un moyen de censure. Merci Isabelle Barberis pour cet éclairage sur la question de la censure et son lien avec la diffusion des données dans les travaux académiques. Nous rappelons que votre livre intitulé « Censure silencieuse » vient de paraître aux éditions Presse universitaire de France. Chers auditeurs et auditrices, vous retrouverez toutes les références citées au cours de l'entretien sur notre carnet « Questions éthiques et juridiques pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales » à l'adresse https://ethiquedroit.hypothèseaupluriel.org. Merci de votre écoute. Cette série de podcasts a l'ambition d'enrichir l'ouvrage collectif intitulé « Guide de bonnes pratiques éthiques et juridiques pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales » publié en 2018 aux éditions des Presses universitaires de Provence et disponible sur l'archive ouverte HAL. Ces podcasts sont librement accessibles sur le carnet de recherche intitulé « Questions d'éthique et de droit » à l'adresse https://ethiquedroit.hypothèseaupluriel.org. Les podcasts ont été conçus par Véronique Ginouves, ingénieure de recherche CNRS, archiviste à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et Isabelle Gras, conservatrice des bibliothèques au sein du service commun de documentation d'Aix-Marseille Université. Ce projet a pu être réalisé dans le cadre d'un appel à contribution du J-Surfist. Vous entendez les voix d'Isabelle Gras en introduction et en conclusion, et de Véronique Ginouves au cours des entretiens. Annick Boissel, archiviste indépendante, a réalisé les montages et proposé les illustrations sonores et textuelles. Elle a sélectionné la musique intitulée Arabesque sur la plateforme freesong.org, placée par son auteur Vrima sous licence CC0. Le service commun de documentation d'Aix-Marseille Université ainsi que les équipes des unions régionales de formation à l'information scientifique et technique ont accompagné cette réalisation. Nous accueillerons avec intérêt vos commentaires sur le carnet. Merci de partager ce podcast sur vos réseaux. À bientôt pour un prochain épisode de Juréthique Playlist.